Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché du monde. Alors j'ai dit, voici je viens. Comme dans le rouleau du livre qui parle de moi. Pour faire ta volonté, ô Dieu, ta sainte volonté. Yeah.